Activité 5, page 103, piste 81. A. Ce t-shirt est assez beau. B. Je trouve cette jupe très originale. C. Ce manteau est vraiment sympa. D. Ce pantalon est un peu moche.